Jean, tu tournes? Ouais. Hajime. Os. Si, si, si, si. Hey. Si, si, si, si. Oulala, oulala, hey. Hey. Oulala, hey. Oulala, hey. Oulala. Hey. Hey, c'est deux amis de maman. Hey, hey, hey, hey, oulala, oulala. Hey. Ouais, ouais. Tout d'abord, j'en passe une pour tous ceux qui sont partis trop tôt. Force au frollo, la vie c'est comme un loto. Poto, ça va trop vite, un jour tu bédaves du popo. Tu deviens claustro, le lendemain ça sera l'hosto. On n'a pas bibi par choix, ne l'oublie pas petit frère. Maintenant qu'on est yo, on n'a plus besoin de ces choses petit frère. Pendant des années, en faisant du mal j'ai fait du bien. Fallait bien payer le loyer, maintenant c'est fini. Y'en a très peu que je considère comme mes grands frères. Les liens du sang qui découlent de la grand-mère. Je suis ni très vieux ni très peu, mais je sais comme t'aimes. Un gain de temps quand tu grandis dans la gangrène. Obligé de brûler cette substance pour trouver le sommeil. Ce monde est glauque, imagine un glock posé sur ton globe oculaire. Sans aucune aide, c'est moi et ma chance. Va-t-il trembler ou juste la grande délinquance? Un pic des dangers, fils d'étranger, je veux gonfler ma panse. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Avant de dompter la France. Frère, on bédave comme si c'était légal, mais c'est pas murder. Des zones de non-droit où les Hongrois cachent les murders. Frère, c'est pas là, mais c'est aléa. On te banane si tu te vois là trop près de nos allées gratuites. Je te dis c'est pas là mais c'est aléa. Pour une garba ou une carba, ça scanarde jusqu'au carnage. Y'a pas de partage, vexé ça, ça je tabasse comme mon taga. Dooms alias, Morgane pour les tagas. Super sound niggas, Senzu, c'est le souk, call the cops niggas. Eh eh, je te dis c'est super sound niggas, Senzu, c'est le souk, call the cops niggas. Ouais, ouais, un vrai repère Laura, y'a trop de faux amis. Peu de perles rares, instinct de volatile. Hors la loi, postiché comme le corbeau noir. Même si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. À toutes les heures, la mort peut te heurter. Si eux ils sont pas des hommes, c'est parce qu'ils ont peur de l'aide. Ouais, y'a pas d'issue pour s'échapper. Le sang versé ne sait jamais, y'a des sauts de larmes. Quand un proche va dans l'au-delà, ils sont là pour de l'or. Ce qu'on aime au fond c'est l'âme, ouais. C'est pas la peau de l'homme, révolté comme Mandela. En parenthèse, toujours là quand ça part en guerre. Mes tortionnaires se mettent torse nu, comme la race des Saiyans. On attend son heure à part entière. On était forcé d'être forcené, forcément. Fallait que ça brille, t'as les phares xénon. Faudrait que je pense à faire des mômes. Il faut rendre fiers les nôtres avant qu'on enterre mes côtes. Je veux qu'ils écoutent mes derniers mots. Solitaire qui traîne en bande, j'ai pas l'air sympathique. Ouais. On est vrai, c'est vrai, j'aime pas la femme et les fanatiques. Hey. J'arrive tel un tsunami, fallait te méfier de l'eau qui dort. Après avoir vu les filles défiler, et j'veux des l'eau qui dort. J'ai pas eu l'enfance du maigri, j'plante de vis très mal élevé. Quand les vengeances durèrent que le pardon pour les arrêter. J'aime pas faire semblant, j'suis vrai, j'suis pas la honte de ma ruelle. À court sans pendant, tu rêves que le tien deviendra réel. J'm'appelle mes crains, j'suis né pour baffer les blars. Mais vos frères, ouais, tous ces mecs-là. J'suis un félin femelle, on fera la fête. Si t'as le boule bombé, ça fera l'affaire. Yeah. Yo, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, gros. Ça fera l'affaire. Hey, dealer. Yo, check, hein. Ça, hey, ça a mal commencé comme un check raté. Ça va mal finir comme une histoire de dette. Si tu te demandes où je suis dans ta tête, le reste c'est dépassé. Yes. Les lignes sont pré-tracées, ils me demandent c'est comment, je leur réponds t'es gâté. T'as quoi en plus une fois les nerfs passés? Je vois des pantins éphémères se bâcher, devenir mongol comme le cop de Fenerbahçe. Oh. En bas de chez moi y'a plus de richesse depuis que c'est la crise. Si tu dedans, d'où venait mon cynisme et mon envie de prêcher. Hey. L'envie de faire mieux et la haine dessinent des motifs. Certains mélangent les deux, ils trouvent la motive. Un jour on dira tous au revoir, on mettra pas des emojis. Avant laisse-moi le temps d'arriver, je suis juste stop, j'ai fait les modifs. Oh. Cette bande de pécasse va danser lean back. Lean back. Plus de putes que dans les vines de King Back. King Back. Gros y'a pas de subli, y'a que des flip-flaps. Flip-flaps. 20 000 lieues sous la merde dans la Trixman. Yeah, yeah. Hey, hey. Dans la Trixman, je les graille comme un Kit Kat. Flip-up, je kick ass, c'est comme as, comme un Jigsaw. Oh. C'est Nick Club Fenech, je prends le mic, improvise. Avec mes gavas, tu sais qu'on atomise toutes ces salopes. Yes. C'est promis. C'est quoi les G's? Hey, balance hey. La suite, mon gars, va faut que tu brûles les hey, clics. Hey, hey, hey, j'aime pas, ouais, j't'ai dit, on atomise. J'aime pas quand les nanatomies, hein, baisse ton anatomie. Fuck fuck les Tommy, j'prends le chromie, c'est promis. S, ça revient, j'suis comme un putain de chroma. Et ouais, j'l'ai trop mat. J'fais mon bail en direct du toit, qu'est-ce tu vois? Fuck les lois, fuck toi, fuck tous ceux qui veulent pas comprendre que c'est nous, le putain de crew. J'fais mes bails, j'fais des trous dans leur cœur de ah, c'est nous les rois, ouais. Mais à quoi elle joue? On les trouve, c'est tous ceux des poufs. Bellec là, c'est le crew de Dooms, hey. Écoute les bails, on est posé, on est calme. Tu fais le fou, tu vas goûter quelque part. Ça va siffler dans ton oreille. C'est quoi les G's avec mes gars, bah c'est toujours la même. On est à Tokyo, freestyle grain. On va les baiser, c'est des oh, laissez, freine. C'est quoi les G's? J'ai plus les mots. Ken l'a déjà dit, le French OVO sur toutes ses hoes. Laisse-nous faire les choses, c'est de l'impro. Hey, hey, arrête de faire celui qui a trop de flouze. J'rappe, j'ai trop de flow, j'ai mon eau de source. Tu vois bien que c'est toujours pour le Dooms. Dealer. Tu vois bien que c'est toujours pour le crew. Pour le crew. Y'a Alpha qui arrive avec un banc de rose. Hey. Il fait ça pour tous les putains de banderos. Bandero. C'est comme ça que je le fais, j't'ai vu banderos. C'est chelou, c'est comment qu'on le fait. J'fais le fric et j'vais pas demander trop, nah. Je vais pas demander de crocs. Là y'a le nouveau ro. On vient de débarquer dans le bail, ça va être trop chaud. C'est quoi le bail, le fall? Est-ce que t'es prêt, mon gars, à balancer quelques impro? Ouais, pour tous les crocs. Si, si, si, je voulais aller au McDo. McDo. Mais je me suis paumé. Donc je suis allé chez Dennis Nike pour la paire de tennis. Il frémisse. Un Florent, toujours le vêtement qui hennit. En fait, la téverie, c'est que j'ai monté les marches. Donc je suis encore essoufflé. Hey, dans l'appart, hey, je vais séjourner. On va les shooter. La carrière de ces Wack MC's va être écourtée. On va les découper. Découper. Avec les couplets, non avec les impros. Sur le fil du rasoir, sur le fil du couperet. Oh, c'est quoi les bails? Il faut riposter. On est prêt sur le bail avec le feu. C'est quoi les. On va donner ce que l'on veut. C'est on vrai, va il cacher. Faut tripoter. Non, il faut riposter. Okay. Non, il faut tricoter. Non, il faut hip-hopper. Non, il faut fricoter. Même ricosser. Hey. Je suis un putain de grec et aussi écossais. Okay. Hey. Avec les vrais bitches, on va fricoter. Toi-même, tu sais, on est les types cotés. Ah, les rimes vont ricocher. On n'est pas les types coqués. J'en place une pour caméraman Akorik alors. J'en place une pour Timothée. Même si je sais pas qui c'est. J'en place une pour Libiatch qui sont Team Hotel. Team Hotel, c'est facile, on va les immoler. Philippe flingue jamais de 2000 molles. Et j'arrive pas de mimolette. Vas-y mollo, c'est comme ça qu'on le fait, pas de trémolo. J'en place une pour mon frère Molo, hey. Qui vient de partir, j'en place une aussi pour les frémologues. Ah, les vrais frolos qui sont hal dans Tokyo. Lendler, Elias avec tous les chos. Toi-même, tu sais, toujours le crew à Tokyo. Tokyo. On est tellement bien, on mange du sushi, on boit de l'eau bio. De l'eau bio. Je flingue ta tête et je vise tes lobbyos. Je viens te fumer un peu comme l'opium. Comme l'opium, et j'arrive comme Sébastien Lobbio. Donc je finis sur le podium. Le podium. Dur de lire ce qu'il y a sur mes labiales. C'est la mafia, tellement de style. On mange un plat de nouilles, on dirait qu'on mange du caviar. Et tu t'agenouilles, bang bang, un tas de douilles. Philippe flingue, Alf le tigre, Alf le loup. Non, jamais de paire de Alf le loup. Là il rafle tout. C'est un freestyle ou des textes. Tu te demandes c'est quoi les G's. Écoute les coups, on est les meilleurs. Pas de coups de coude. Hein, on reste coude à coude. Si, si, si, que des impros, pas de texte. On flex avec ta future motherfucking ex. Restaurant Tex-Mex en provenance d'une tasse qui vient de Aix en Provence. Attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est celle-là la prod du freestyle. Mais je vais manger mon sandwich là. C'est celle-là la prod du freestyle. Je suis allé au sandwich. Je suis parti acheter du Denis. J'ai ma graille. Ma graille, elle est là, frère. Ah, gros, c'est en train de chauffer, t'inquiète. J'ai un sandwich au poulet. Ok. J'aimerais avoir mon sandwich suédois sur les doigts. S'il vous plaît, tuez-moi. Pilote, dans les bacs. Pilote, Dooms. On m'en fout. Frérot, écoute, écoute. Hey, moi je viens du nord de Paris, 9ème zone où je gravite. Pour faire du beat ça s'agit, black and white dans le sachet. Pendant que tu grattes plus des mousses et grattes des bouts de clope. Nous c'est la Jack ou la Rouskoff, on y a que sur le rooftop. Pour atteindre le sommet, en équipe ça va de soi. Faut visquer l'abattoir, quitte à en perdre le sommeil. Avec 2-3 gava, posé à Montmartre, il se fait tard. On est fait tard, rien que ça ferraille avec Ferrar, on est vénard. Toute la semaine, tous les jours du mois. Ouais, toute l'année, tu veux un check, niggas touche du bois. La mif comme moteur, coffre la fraîche. Les flics arrivent si vite sur les hauteurs. Nos regrets, c'est frites avec le shit. Motherfucker, Dooms, pilote dans les bacs, tu connais. Ouais, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Hey, je me suis trompé de pellicule, je vois tout en négatif. Et mon seul sédatif, c'est de recompter les thunes. Pas facile d'être un artiste, on charbonne, on est actif. Après une tempête de sable, il faut remonter les dunes. Ouais, ouais, je ne veux pas du monde à mes pieds. Je veux que mon nom, tout le monde sache les plaies. Ouais, j'ai un train de vie de fêlé. La vie, c'est pas la télé, mais je veux zapper quand ça me déplaît. Ouais, je vais pas rentrer dans le détail, mais on a plié de la ferraille. Que mon train de vie en déraille. Yeah. On m'avait dit dans tes rêves, mais j'ai la tête dure. Comme ce Twitter, toujours en TT. Seul passager de mon train de vie, toujours plus vite, retiens la devise. Trop de bons souvenirs, le stockage est bientôt saturé. Donc j'ai déjà zappé tout ce que je viens de vivre. J'essaie de bien me tenir, mais c'est rien de le dire. Un homme qui n'agit pas, il n'y a rien de pire. Tu prends de l'âge et ça, tu ne le vois pas venir. Le temps qui passe te fera briquer comme une femme de tir. Comme une femme de tir, oulala, oulala. Tu peux prononcer mon nom, sauf si t'es devant un bleu. Ils ont vu passer mon ombre comme la fumée dans le bleu. J'ai dû prendre de l'ampleur quand j'ai vu dans ses yeux il pleuvait. Efficace dans le biz, donc j'ai une emprise sur le bleu. On doit s'entendre sur les termes, mais sinon gringo ça peut le faire. On veut du bif jusqu'au plafond, notre musique c'est de la peu. Claque un part en fumée, dans nos cafous, dans celle des stups. Ce qui nous arrive c'est le destin, on laisse les salles en feu, ouais. Certains vivent dans le passé, d'autres veulent vivre dans le futur. On vit l'instant présent, tous au zénith pour le futur. Ma vie je la chante et le peuple la vie comme il entend. Si t'attends ta chance, c'est sûrement que la perso meille en toi. Pourquoi mon cœur a-t-il son de prêt? Quand je leur pose la question, c'est juste pour savoir s'ils sont de vrais. Hey. Si on a fait du racket, je ne viens pas jouer les durs à cuire. Beaucoup ont du racket, je suis dans les histoires dures à croire. Bébé, je reste en ville que pour quelques jours. Je veux lire mon nom sur tes lèvres douces. Je veux que t'écoutes ce son et que tes fesses se bougent. Et qu'on amène le bendo dans les fêtes de bouche. J'attrape la Mustang par la crinière. Décapotable et je le vends comme un soin capillaire. Monte du côté passager mais fais-toi discrète. Tu me dis que t'aimes flirter bien que tu sois fidèle. Tu tiens le volant pendant que je roule mon spliff. Je te dis que tu me dirais que t'es plutôt mon style. Ma fierté mourra peut-être un jour. Je préfère ça que de vivre à genoux. Je suis pas comme vous, non, je suis pas un gnou. Quand la coupe est pleine, on plaide, la sève défonce. Ouais, l'affreux, je t'efface en un quart de seconde. Je viens de passer le quart de siècle, toujours la même routine. Je me mets à faire du sport, j'arrête la semaine d'après. J'fume la verte, la messe pour oublier mes soucis. Et j'en ai beaucoup, frérot, j'en ai beaucoup. Ça chauffe, c'est l'insolation. Mais c'est pas l'Afghanistan, je te bibi ta consommation. Pour toi, c'est comme un talisman. Pas de deuxième sommation. La soumission sera la solution. La solution c'est le réalisme et c'est salissant. Même mes voleurs ont des valeurs. À Paris sans Paris sans Paris. Je te dis que même mes voleurs ont des valeurs. À Paris sans Paris sans Paris. J'irai haut comme une montgolfière. Maman, t'auras la clé des coffres. Tu remonteras mon col fier. Demain on va jouer au golf. Après demain on dira qu'on a joué au golf hier. J'ai pas sauvé le monde et le monde va pas me sauver. On s'emplit comme nos ventres, froid comme nos vampres. J'ai grandi dans les orties, je les sens plus. Hey, on est dans le truc, le gang est de sortie. Teaser des litres, sniffer des lignes, non. Prendre des drogues aux effets psychédéliques, non. Je vais expliquer le délire, niquer l'élite. Qui a gardé le fric et les livres. On fraudait déjà le bus au CP vu que nos CV sont vides. Vu que nos CV sont vides, j'oublie mon texte et je reviens avec tout maman. On fait le feat, on glisse sur l'instru de Mad Skills. Car j'ai beaucoup de lyrics et de shit dans la chambre. Y'a du chrome sur les jantes, négro. Eh, c'est comme ça qu'on voit le motherfucking futur. Faut que le truc dure. Mes motherfucking impro sont comme un motherfucking boa constrictor. Au niveau de la structure, car il n'y en a pas, le truc est infini. Balance un vinyle, hey, qu'on le fasse tourner. Philly flingue, j'ai fumé plein de Phillies. Blunt, j'ai fumé plein de Phillies. Blunt, j'ai fumé. Mais plein de Phillies, blunt, plein de Phillies, blunt. Hey, trop de lyrics et de shit dans ma chambre. Ça swing, swing, à swing, swing, swing, swing. Trop de lyrics et de shit dans ma chambre. Ça swing, swing, à swing, swing, swing. Trop de lyrics et de shit dans ma chambre. Ça swing, à swing, swing, swing. Trop de lyrics et de shit dans ma chambre. Ça swing, swing, à swing, swing, swing. Cette prod, on l'a kické ma foi avec fan. Rien à foutre que ces salopes sont infos et les fans. Ça ne m'intéresse pas. pas. J'aime pas trop les folles. Avec mes gavas si, en impro, si. Rien qu'on décolle. On décolle, hey. On décolle comme les profits. J'suis au Mont Fuji, je bois d'une blette d'être coffee. C'est comme ça que s'appelle la motherfucking canette. J'veux faire de la maille comme Michael et Janet. Hein, de la maille comme Michael et Janet. Ou bien Danette, rien à foutre, c'est salope. Moi j'suis pas de la même planète. J'fume que du brocoli, on dirait un Amec. Non, j'suis trop chaud, j'suis comme Broly, nique ta mère. Si, oh. Si, si, c'est pour les faux ros, non, c'est pour les vrais, hein. On est au Mont Fuji, on boit des canettes de Fanta raisin. En fait, mon faux vaut plus de 100 balles. Avant c'était une canette et maintenant c'est plus qu'un standard. Car tout se construit et se retransforme. Philly Flingo, microphone, tu sais, oui, je suis en forme. J'avance avec Doumama. Toi-même, tu sais, fuck tous ces petites putasses qui ont le cul ballard. J'ai trop de lyrics et des shit dans ma chambre. Ça swing, swing à souhait, souhait, soin, soin. Trop de lyrics et de shit dans ma chambre. Ça swing, swing à souhait, soin, soin. Trop de lyrics et de shit dans ma chambre. Ça swing, swing à souhait, soin, soin. Trop de lyrics et de shit dans ma chambre. Ça swing, swing à souhait, soin, soin. Ramène-nous les végétales, ouais les végétales. Avec mon gars va faire la fusion, c'est mode végétaux. Car c'est que des freestyle crades, rien à foutre de toutes tes tasses. On va pas te lâcher des, non on va te lâcher que des flammes. Si si si, toi-même tu sais, tu demandes si c'est légal. Gap. Vu comment ça débite, faut que tu apprécies le flow du Mali, de la Guinée et du Sénégal. Yes. Philly Flingue, on les traite comme si c'était du bétail. Ah ouais, du bétail, genre un petit vache. J'ai pas parlé français et sur le J-Bax. Y'a pas de soucis, on est posé, il faut que ça claque. Vas-y ramène-moi de la weed, du shit ou de la wax. Si Fall Philly se mêle du shit alors que c'est pour de vrai. Donc R.E.P. Jean-Philippe Smet. Car tout le monde un jour va finir en haut. Philly Flingue, je vais pas finir dans un motherfucking enclos. Enclos, non non, rien à foutre de ces salauds qui veulent nous enfermer. Ouais le landau, il est préparé pour eux. Rien à foutre de la place Vendôme et des pandos. Toi-même tu sais que j'ai mon nouveau bandeau. J'arrive, je récupère pas mon prix, j'envoie une meuf comme Marlon Brando aux Oscars. Et je suis un vrai négro, je suis pas une fausse star. Pas une fausse star. On n'est pas des fausses stars, toujours en costard. La bœuf est dans le pochetard. Oui. Ok poteau, je balance un putain de cuté. Hey. Toi-même tu sais ce que je fais, le vice est flambant neuf depuis qu'on a verni les langues de bois. Le passé j'y perds rien mec, mais l'avenir dépend de moi. Bienvenue dans le pays des relations extra-conjugales. Ta femme et son âme en fait toi et baisse dans ton plumard. Enlève ton autotune, hein. On est plutôt talbox. Et l'apostrophe on est nos propres boss, l'un des nous colle au cul, hein. Jamais de drogue du rein, juste la douceur d'un bon joint. Chérie t'as besoin d'un conjoint, est-ce qu'on t'en offre plus d'un? Fais de la place à la chèvre, les vagares et ton Opel ailleurs. T'inquiète j'ai les poches sous les yeux pour garder mon oseille à l'œil. On est loin des villas, de Cannes et de la bronzette. On boit la gasolina chez Yax dans le Bronx, mec. Aïe, je m'en rappelle de ce couplet à New York, ouais. C'était plutôt pas mal, c'était vers la ligne. Mais c'est classe, ouais. Et j'ai le vice et j'ai la vertu, ouais. Petite pause, canette ouverture. Du flingue testé, tu sais que c'est perdu, hey. Merde, vas-y d'où mama, envoie le truc. Faut que j'envoie la verte, faut que j'envoie les bails. Rien à foutre que je perde, tant que tu es avec mes frères. Tu vois ce que je veux dire, on change pas une équipe qui perd. Demande à mes crains, on va baiser toutes les paires. Hey, plus fluide, il faut que je sois plus speed. Qu'est-ce qui se passe, on les utilise comme des serpillères. Hey, toi-même tu sais, je trafiquais avec des serbes hier. Et demain ce sera peut-être avec des moldaves ou des Philippes. Ou des Hongrois, Fox qu'on croit. Bonjour, bonsoir, tu sais que j'ai le bon swag, hein. Philly Flingue au microphone, donc je repasse avec le bonjour. J'ai mis un bandeau parce qu'il me faut des contours. Au Japon, je sais pas qui peut me faire le cut. Hey, Philly Flingue en live de la crunch.